Seigneur, ayez pitié des âmes en déroute. Seigneur, ayez pitié des âmes en déroute, qui pleurent votre nom à la croix des chemins. Quand le souffle du vent au loin balaie les routes, terrorisant tous ceux qui vont mourir demain. La peine sera dure aux enfants sans courage. Seigneur, il se fait tard de meurer avec nous. Tâchez de ressembler au bon vieux des images et nous écouterons vos paroles à genoux. Seigneur, ayez pitié du cuir et des carcasses de vos enfants pourris qui n'ont rien fait de bon. C'est le crime et le fiel et de la peur qui passe. On peut être un Jésus sans avoir la façon. La peine sera-t-elle dimension du reste? Alors ils vont violer toute une éternité. Surtout pas crever sans avoir existé. Seigneur, ayez pitié de moi parmi les autres. Ce que je fais de mal, je le fais pour mon bien. Dites-vous que je suis votre 13e apôtre. Et quand je serai mort, ne me demandez rien. La peine sera-t-elle aux dimensions du reste? Alors ils vont gueuler toute une éternité. Faites-les brûler vifs ou mourir de la peste. Pas crever sans avoir.